nous chantons ton beau jeu légendaire. Toulousain, Toulousain, nous aimons ton rugby, allons vers la victoire, allons vers la victoire. Fiers de notre accent,